Écrire. On m'a dit d'écrire, alors j'ai écrit. Répondre. On m'a dit de répondre, alors j'ai répondu. Attendre. On m'a dit d'attendre, alors j'ai attendu. Courir. On m'a dit de courir, alors j'ai couru.